j'ai mon cuir, je suis un dur, je suis dans une armure. Comme Arthur of Camelot, je roule des coconuts. Il est super perfecto, c'est ça ce bon de beau. Je sens le soufre et quand je passe, la morale trépasse. J'aime à chevaucher deux gros cubes, rock'n'roll attitude. Je suis pilote de l'impossible et chaque femme est une cible. Quand j'ai mon cuir, je suis un dur, je suis dans une armure. Comme un tabou, provocation à tous deux. Black Panthers jusqu'aux anges de l'enfer. Je suis pilote de l'impossible et chaque femme est une cible. C'est la légende des blousons noirs et des rois du trottoir. C'est la légende des durs à cuire qui sentent le soufre et les fleurs du mal. Les gens.